Chapitre 63, un numéro du Times. En dépit de ses précautions oratoires, les distractions imaginées par mon vieux camarade de collège furent loin d'être tristes, et je ne m'ennuyais pas une minute pendant les 8 jours que je lui consacrais. Le matin du 9e, j'étais à cheval, me disposant à retourner à Rosario, avec l'intention de m'arrêter, selon ma promesse, à l'estancia de M. Henry Harding, que je ne pouvais plus considérer comme un étranger, s'il était véritablement le fils du général anglo-indien. Mon célibataire m'accompagna, et j'eus le plaisir de provoquer une sympathique intimité entre deux de mes compatriotes, dignes de se connaître mutuellement, plus qu'ils ne l'avaient fait jusque-là. La signora Lucetta se montra aussi charmante et aussi aimable que jamais. Et bientôt, nous vîmes les deux familles s'assembler sous le même toit, pour nous fêter plus amicalement. L'hospitalité que nous reçûmes pendant plusieurs jours était bien de nature à nous la faire regretter, et j'ai tout lieu de croire que mon vieux camarade reprit le chemin de son estancia solitaire avec la ferme résolution de se faire bénédictin. Quant à moi, je n'étais plus traité en étranger. Mon hôte sud-américain était bien le fils du général Harding de Beechwood Park, l'objet même de l'annonce du Times, l'exilé volontaire, jusqu'alors cherché vainement. Dans un entretien que nous eûmes ensemble, peu après mon arrivée, il me raconta son histoire, telle que j'ai essayé de la reproduire moi-même dans les pages qui précèdent. « Et ceci, dis-je en montrant l'annonce du journal, je ne l'ai jamais vue. C'est la première fois que j'en entends parler, répondit-il. Vous connaissiez la mort de votre père, je suppose ?»« Oh oui, je l'ai apprise par les journaux peu de temps après le triste événement. Pauvre père, peut-être ai-je agi trop inconsidérément. Mais il est trop tard maintenant pour le reconnaître. » Voyant le chagrin qui assombrissa sa physionomie à la pensée de son père, je m'empressai de changer de conversation. « Et le mariage de votre frère, vous en avez aussi été informé ?»« Non, répondit-il à ma grande surprise. Il est marié ?»« Depuis longtemps. Son mariage était également annoncé dans les journaux et avec assez de fracas, ma foi. Il est étonnant que vous ne l'y ayez pas vu. Ah, les journaux, je n'ai jamais ouvert une feuille anglaise depuis celle contenant l'avis du décès de mon père. J'en exécrais la vue. Comme de tout ce qui venait d'Angleterre, du reste. Je n'ai même pas voulu me lier avec mes compatriotes établis dans ce pays. » Ainsi qu'on a pu vous le dire. Et quelle est la femme que M. Nigel Harding a daigné rendre heureuse? Vous la connaissez, je suppose. Il a épousé une Miss Belle Mainwaring, fis-je, en donnant à ma physionomie un air de profonde innocence et non sans une certaine appréhension du chagrin que pouvait faire naître cette nouvelle. Je me trompais. Le jeune homme resta impassible. La dame ne m'est pas inconnue, répondit-il avec un sourire ironique. Elle et mon frère sont faits pour se rendre mutuellement très heureux. Leur caractère, je pense, s'accorde admirablement. Je comprenais parfaitement le sens de cette observation. Je m'abstins toutefois d'en rien témoigner. Mais dis-je, en revenant à l'annonce, que comptez-vous faire de ceci? Vous voyez qu'il est question de quelque chose d'avantageux pour vous. Presque rien, je m'imagine. Je crois savoir de quoi il s'agit. 1 000 000 de livres sterling que mon père a promis de me laisser après sa mort. C'était prévu dans son testament. Ce testament... Il s'interrompit et un sourire amer plissa ses lèvres, mais sa physionomie s'éclaircit presque aussitôt. « Eh bien, je devrais m'en réjouir de ce testament, bien qu'il m'eût déshérité. Car sans lui, seigneur, ajouta-t-il, oubliant qu'il parlait à un compatriote, sans lui, je n'aurais jamais connu ma chère Lucetta, et j'ose croire que vous conviendriez que de ne pas la connaître c'eût été le plus grand malheur qui eût pu m'arriver dans ma vie. » C'était là un singulier appel. On en conviendra. Mais je ne pus me dispenser d'y répondre. Il aurait continué à broder sur cet agréable thème, mais le moment approchait où nous devions rejoindre ces dames, et je fus obligé d'appeler de nouveau son attention sur le véritable objet de notre conversation particulière. « Quand ce ne serait que 1 000 livres, dis-je, la somme vaut la peine de s'en occuper. »« C'est juste, répliqua-t-il, et j'ai quelquefois songé à la réclamer. J'entends dans ces derniers temps. Dans le principe, j'étais tellement chagrin de tout ce qui s'était passé en Angleterre, que j'étais bien décidé à refuser même le misérable legs qui m'était attribué. Mais, pour parler vrai, je n'ai pas gagné ici beaucoup d'argent, et je commence à me considérer plutôt comme le pensionnaire de mon digne beau-père que comme son fermier. Avec 1 000 livres bien à moi, je me relèverai un peu dans ma propre estime. Que décidez-vous alors? Voulez-vous partir avec moi et venir chercher la somme en Angleterre? Non, non, 1 000 fois non. Quand il s'agirait de 10 000 livres sterling, je ne considérais pas à m'éloigner de cette heureuse demeure et à abandonner ma douce vie sud-américaine. Si, comme je le crois, 1 000 livres se trouvent déposées en mon nom chez messieurs Lawson et fils, je puis me les procurer par fondée de pouvoir. Vous allez partir pour l'Angleterre, n'est-ce pas ? Oui, par le premier steamer. Eh bien, pourquoi ? Mais je craindrais d'être opportun. Vous avez à vous occuper de vos propres affaires. Mes affaires ne sont pas si considérables que je ne puisse m'occuper de celles que vous voudriez bien me confier. Je me trouverai assez indemnisé de mes peines par l'hospitalité que j'ai reçue dans votre estancia. Oh, ne parlons pas d'hospitalité. D'ailleurs, ce n'est pas à moi que vous en êtes redevable. C'est Lucetta qui vous a accueilli la première. Si j'avais été présent, reconnaissant en vous un Anglais, peut-être me serais-je empressé de vous prêter un cheval et de vous congédier. Étant Anglais moi-même, je vous aurais, selon toute probabilité, volé votre magnifique bête et donné une rosse en échange. Ah, ah, ah. Je fis chorus, comprenant que cette sardonique observation n'était qu'une plaisanterie. Sérieusement, continua-t-il, vous pouvez me rendre ce service beaucoup mieux qu'aucun chenapan d'homme de loi. Allez trouver ce Lawson de Lincoln's Inn Fields. Ni le vieux légiste ni son fils ne me sont totalement inconnus. C'est d'assez braves gens, je veux dire pour désavouer. S'ils ont de l'argent à moi, ils le remettront sans aucun doute. Je vous donnerai une lettre vous autorisant à le recevoir et vous adresserai la somme à quelques banquiers de Buenos Aires, de façon qu'elle me parvienne par l'intermédiaire de ses correspondants de Rosario. Vous voudrez bien me rendre ce service, n'est-ce pas ? Avec le plus grand plaisir. Assez donc sur ce sujet. Ces dames vous attendent. Vous aimez la guitare, je crois, et j'entends Lucetta accorder la sienne. Lui qui chante comme un autre Mario, et la señorita, comme il appelle sa sud-américaine, est un vrai rossignol. Écoutez, on nous appelle. Venez-vous, capitaine ? Je n'avais nul besoin d'être sollicité pour obéir à ces voix argentines qui réclamaient notre présence dans l'appartement voisin.